que je reste terre à terre. Vivre et savourer tous les moments de chaque instant sur terre. Mes sentiments s'étalent, carpe diem, ouais c'est clair. Le temps passe comme un éclair, autant que celui-ci m'éclaire. La tête dans les étoiles, faut que je reste terre à terre. Vivre et savourer tous les moments de chaque instant sur terre. Mes sentiments s'étalent, carpe diem, ouais c'est clair. Le temps passe comme un éclair, autant que celui-ci m'éclaire. Un deux test, je pose ma voix sur le mic. Je pense au texte et pas au reste, pas de faux, pas de fake. Le temps s'écoule comme dans un sablier. A-t-on le choix? Il paraît que je finirai en enfer, car j'ai pas la foi. Pas le temps d'aller à l'église, croire en des suppositions. Je défends ma raison, on n'est pas supposé avoir la même vision. Chaque seconde est décomptée, à toi d'en faire ce que tu veux. Perds pas ton temps à chercher Aladdin, y'a pas de lampe ni de vœux. Profitons de chaque instant présent, vis-les tous comme si c'était les derniers. Après tout, jamais personne sera épargné. Retiens ton souffle, ta respiration, rejoins mon inspiration, une conspiration sans expiration. Les moments de joie font les sourires et fondent le bonheur. La vie est belle, la vie est telle, la vie est celle qui nous fait peur. Faut positiver, être unis dans l'amour et la paix. Moi j'essaie de te montrer crapper, c'est aussi avoir un cœur, tu sais. La tête dans les étoiles, faut que je reste terre à terre. Vivre et savourer tous les moments de chaque instant sur terre. Mes sentiments s'étalent, carpe diem, ouais c'est clair. Le temps passe comme un éclair, autant que celui-ci m'éclaire. La tête dans les étoiles, faut que je reste terre à terre. Vivre et savourer tous les moments de chaque instant sur terre. Mes sentiments s'étalent, carpe diem, ouais c'est clair. Le temps passe comme un éclair, autant que celui-ci m'éclaire. Je rappe seul au milieu de la plage, perdu dans cette immensité, tout en évacuant ma rage. Pour pas perdre l'intensité, noyé dans la masse au milieu de la diversité, déversant mes pensées, tous ces mots que j'ai pu citer. Parfois je philosophe, je rêve soft et je rêve, mais je garde les pieds sur terre car bien trop vite cette vie s'achève. Un sourire est plus joli qu'une larme, rangez vos armes, ce putain de beat réveille le côté positif de nos états d'âme. J'envoie un peu d'amour à tous les innocents enfermés, ou leur enfer est né, derrière ces barbelés, ces barres enfermées. Faut pas s'en faire, ouais, cette vie est injuste, on te casse le dos, te piétine, pour que tu sois moins robuste, reste droit. Vis cette vie comme si tu devais mourir demain, rigole pour rien. Dis pas que tu sais pas quoi faire, frangin. Après tout, peut-être moi-même je fais tout ça pour rien, mais le sablier continue de tourner. Je dois m'occuper des miens. La tête dans les étoiles, faut que je reste terre à terre. Vivre et savourer tous les moments de chaque instant sur terre. Mes sentiments s'étalent, carpe diem, ouais c'est clair. Le temps passe comme un éclair, autant que celui-ci m'éclaire. La tête dans les étoiles, faut que je reste terre à terre. Vivre et savourer tous les moments de chaque instant sur terre. Mes sentiments s'étalent, carpe diem, ouais c'est clair. Le temps passe comme un éclair, autant que celui-ci m'éclaire. T'as vu comme la terre est grande, on n'est pas à Gulliver. Du printemps à l'hiver, à nous de construire notre univers. Dans mes vers, parfois merde, je suis énervé. Mais pense pas que je dis des conneries si tu ne crois pas que j'ai l'air vrai. Je suis pas un psy président, un dieu ou un saint. Je suis rien qu'un homme après tout, moi je ne veux être qu'un mec bien. Cette vie est courte, mais je pense qu'elle est méritée. Personne connaît la vérité, mais nous sommes nés, alors autant en profiter. Peu importe le pouvoir, l'argent ou les crises financières. Tant qu'on peut survivre, vivons ces années entières. L'esprit vidé, avançons, la conscience apaisée. Faisons l'amour, faisons la paix, c'est une belle vie qu'on doit viser. J'avise, trop souvent j'improvise. Rien à foutre du bise, des mises. Des gens qui se prennent pour Moïse. On n'a qu'une vie, seulement une, alors admire la lune. Le sablier coule toujours, autant construire notre dune. La tête dans les étoiles, faut que je reste terre à terre. Vivre et savourer tous les moments de chaque instant sur terre. Mes sentiments s'étalent, carpe diem, ouais c'est clair. Le temps passe comme un éclair, autant que celui-ci m'éclaire. La tête dans les étoiles, faut que je reste terre à terre. Vivre et savourer tous les moments de chaque instant sur terre. Mes sentiments s'étalent, carpe diem, ouais c'est clair. Le temps passe comme un éclair, autant que celui-ci m'éclaire. Carpe diem, ouais.